E se essa cerveja de um ganho, oh. Casaremos com Samuel, Samuel e MTG. Casaremos com Samuel, Samuel e MTG. Casaremos com Samuel, Samuel e MTG. Casaremos com Samuel, Samuel e MTG. E se a trompe toujours belé, vai jamais mendi. E se a trompe toujours belé, vai jamais mendi. Ramenez la coupe à la maison. Je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Je sais plus si je suis gaucher ou droitier, je tire des deux pieds. Ousmane Dembélé. Ramenez la coupe à la maison. Merci beaucoup.